deux interdictions pour accéder à cette rue. Tout d'abord, ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules de transport de marchandises. Celui-ci interdit l'accès aux véhicules qui tractent une caravane ou une remorque de plus de 250 kg. En général, une caravane pèse plus de 250 kg et ma remorque pèse 400 kg. Dans les deux cas proposés, je ne m'engagerai pas dans cette rue. Réponse A et C.